إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن شاء الله اليوم سنخوض المسألة التاسعة عشرة وهي مهمة جدا ما زلنا في كتابنا المبادئ المفيدة في الفقه والتوحيد والعقيدة لشيخنا النصيح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Aujourd'hui, on va prendre la 19e question qui est très importante, surtout ces jours-ci, qui concerne la aqida du musulman, son manhaj. Tout d'abord, à savoir, est-ce qu'il existe une différence entre le manhaj et la aqida? Il y a eu une divergence sur la question entre les ulama. Certains l'ont différencié et certains ont dit que c'est la même chose. Rien que notre shir, Hafizallahu Ta'ala, lui voit qu'il y a une différence entre les deux. Et d'autres que lui. Cependant, ce qui apparaît, c'est que les deux, yani, ce qui apparaît, c'est que enfin, il voit qu'il n'y a pas de différence. Notre shir voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Que c'est la même chose. Et d'autres savants voient qu'il y a une différence entre le menhaj et l'aqida. Que le menhaj est plus large que l'aqida. Que le menhaj englobe l'aqida. D'accord ? Que le menhaj englobe l'aqida. Cela ne veut pas dire cependant, comme l'ont fait les sururiyin, des gens de la bid'a, qui disent que j'ai une aqida salafiya ou un menhaj ikhwani, par exemple, ce genre de choses. Comme certains savants l'ont dit, le menhaj et l'aqida huma mutalazimani misle shahadatayn. Ils sont impliqués l'un dans l'autre, tout comme les deux shahadas. Le fait de dire « La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ». D'accord ? On peut séparer l'une de l'autre. Il en est de même pour le menhaj et l'aqidah. Lorsqu'on différencie. Celui qui a une bonne aqidah, il aura un bon menhaj. Et celui qui a un bon menhaj, il aura une aqidah. Et le contraire. Celui qui a une mauvaise aqidah, il aura un mauvais menhaj. Et celui qui a un mauvais menhaj, il aura une mauvaise aqidah. Cependant, le menhaj paraît comme étant plus large. Et qui englobe l'aqidah. De toute façon, ce n'est pas une mas'ala khilafia sur laquelle on peut amener à se diviser ou à qualifier d'égaré ou d'innovateur celui qui prendrait l'autre parole. D'accord ? Naam. Tayyib. Donc il dit فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا عَقِدَتُكَ فَقُلْ أَنَا سُنِّيٌ سَلَفِيٌ والدليل حديث العرباد بن سارية. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود وغيره هو حديث حسن. طيب. نعم. Donc il dit, إذا قيل لك, s'il te dit, quelle est ta aqida, quelle est ta croyance, ton dogme, alors dit, je suis sunni, salafi. Et la preuve en cela est le hadith de Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors accrochez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes droits bien guidés, et mordez-y avec les molaires. Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud et autres, et c'est un hadith hassan. Déjà avec le mot aqida, comme dans la question c'est venu, en effet il n'a pas été trouvé d'antécédent dans le kitab wa sunna. Le mot aqida, tel qu'il est, le ayn, le qaf, le ya, le del et le ta. Bien que son origine c'est le ayn, le qaf et le del, aqd, qui veut dire lié, accroché, ce genre de choses. Et l'aqida, les savants le définit comme étant ma yata'allaq bihi al-qalb. C'est ce à quoi le cœur s'accroche. Cependant, ce mot a été employé par la suite dans les kutub, tel l'exemple de عقيدة السلف مثلا، كما في الإمام الصابوني، وإيجالمون العقيدة التحاوية de l'imam Tahawi et autres. Le mot est employé par des imams antérieurs, parmi les anciens. Et ce mot Aqida veut dire, comme nous l'avons dit, ce à quoi le cœur est lié. Et qui touche beaucoup aux choses de l'invisible, au nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également le fait de se différencier des gens de la bid'a, de l'innovation. Et ainsi de suite. Donc il dit, si il t'est demandé quelle est ta aqida, alors dis, je suis sunni, salafi. Sunni, salafi, c'est-à-dire sunni, adepte de la sunna. Et salafi, celui qui suit, as-salaf as-salih, les plus prédécesseurs, comme cela va venir. Donc sunna, déjà la sunna, c'est ce que nous a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La voie à suivre. Certains savants ont divisé la sunna de façon générale et de façon spécifique. De façon générale, ils disent que tout ce qui n'est pas chiite, qui n'est pas un chiite, c'est un sunni. Et de façon spécifique, le sunni, c'est le salafi. Et notre chir Yahya, lui, voit que cette division de la sunna, sunni, de façon générale, elle n'est pas correcte. Car en faisant cela, on y ferait rentrer plein de gens, comme le soufi, comme le mu'tazili, comme l'ash'ari, et ainsi de suite, comme le ikhwani, le tabliri, tous ces gens-là. Car ils ne sont pas des gens de la tashayyu, ce ne sont pas des shi'a, et également, ils ne sont pas sur la sunna. Donc comment peut-on les attribuer à une chose dont ils ne font pas partie? Car la sunna, il faut la prendre entièrement. Comme le Ta'ala, « Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan » Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam pleinement et ne suivez pas les pas de shaytan. Donc la sunna, pour y être apparenté, il faut la suivre pleinement, sous tous ses angles. Et non pas une partie seulement. Cela ne fera pas de toi un sunni à part entière. Et le fait de dire salafi, ce mot-là, est un mot qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Le mot salafi. Entre ceux qui disent qu'il ne faut pas s'attribuer à un groupe, qu'il ne faut pas se dire salafi, entre ceux qui le disent et qui le sont réellement et qui l'ont compris, et entre ceux qui le disent, qui le prétendent et qui ne le sont pas. D'accord? Car aujourd'hui, des gens viennent nous voir en apparence, ils ont l'apparence de la sunna sur eux, alhamdoulilah, reconnaissent les savants de la sunna, de ce qu'ils disent de leur langue. Cependant, tu les vois dire que se dire salafi, cela amène à se lier à un groupe, à se sectariser. Et que la salafia, c'est un hizb, c'est un parti, une secte. Donc eux, ils disent quoi? Ils disent que nous, na'am, on reconnaît qu'il faut suivre le Coran, la sunna, avec la compréhension des salaf salih. Et cela se voit à travers les actes. Cela se voit dans l'apparence et se voit à travers les dires. Jusque-là, ils ont raison. Mais on n'a pas à s'attribuer une affiliation verbale, comme se dire salafi. Et là, il est erreur. Car comment peux-tu appliquer une chose et ne pas t'y apparenter? Ils disent, Allah nous a nommés musulmans. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, wa la zistamakoum muslimin amin kob wa fi hadha. Et que Allah nous a nommés musulmans. En effet. Et le muslim, à part entière, c'est le salafi. Car aujourd'hui, combien de gens te disent « je suis muslim » et ils te disent « Allah fi kulli makan » Combien de gens te disent « je suis muslim » et tu dis que moi, je ne prends que du Coran, je ne prends pas la sunna. Combien de gens te disent « je suis muslim » et ils sont noyés dans les bid'a. Et si je suis musulman. Donc comment peut-on distinguer entre le musulman qui est sur la voie droite, qui est celle qui va suivre, Ihdina Sirata Mustaqim, et celui qui ne l'est pas? Car demain, cela amène à ce que les gens soient dans la confusion. Un, il dit je suis musulman, et il fait tout le contraire du Coran et de la Sunna. Un, il dit je suis musulman, il en fait un quart. Un, il dit je suis musulman, et il le fait comme il peut. Donc celui qui viendrait à savoir quel est l'islam, ce que Allah SWT attend de nous, de qui il prendrait? Qui il verrait comme étant le plus proche, qui représenterait sa religion? De qui? Car tout le monde dit je suis musulman, il n'y a pas de khilaf. Celui qui dit je suis pas musulman, il n'est pas musulman. Donc demain un soufi il vient, il fait les tawaf autour des kouburs, autour des tombes. Il va dire je suis musulman. Est-ce que son islam, à celui-là, il est réel? Ou un autre te dit Allah il n'a pas de main. Ou Allah te dit que les mains d'Allah ça veut dire sa ni'ma ou sa puissance. Il dit je suis musulman. Comment te distinguer de celui-là? Comment? Par la compréhension de ta religion, en effet. Et cette compréhension, où est le blâme de t'y affilier? Donc là, on va dire certaines paroles. Je compte bi'iznillah, je ne sais pas quand, faire une muhadara par rapport à ça, l'appellation salafi. Le fait de s'appeler salafi. Donc là, on va juste prendre en résumé certaines fawaïd ilmiya, des paroles des anciens et même des contemporains, sur le fait de s'affilier à la salafia. Tout d'abord, ma ma'ana kelimat salaf. Que veut dire le mot salaf? Fi al-mu'jam lisan al-arab, l'Ibn Manzour, dans le dictionnaire arabe, lisan al-arab, il s'appelle, il dit al-salaf, wa-salif, wa-sulfa, al-jama'atu al-mutaqaddimun. Donc il dit, ce qu'on appelle salaf, ce qu'on appelle salif ou sulfa, c'est le groupe des anciens. Premièrement. Et il dit toujours, rahimahullah ta'ala, « وَالسَّلَفْ أَيْضًا مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ أَبَائِكَ وَذَوِي قُرَابَتِكَ الَّذِينَ هُمْ فَوْقَكَ فِي السِّنِ وَالْفَضْلِ وَحْدَهُمْ وَحْدَهُمْ. Donc il dit, le salaf également, ce sont ceux qui t'ont devancé, parmi tes pères, parmi tes proches, ceux qui sont d'un âge supérieur au tien ou de plus grand mérite. Et parmi les adillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien énoncé ce mot salaf, le hadith muttafaqun alayhi, dont le lafz est pour muslim, que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appelé Fatima, hein, et lui a parlé dans l'oreille. Et ensuite, une parole qui lui a fait rire, une parole qui l'a fait pleurer. Ensuite, Aïcha l'interrogea sur ses paroles. Donc, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit Fa'akhbarani ayy an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna Jibril kana yu'aliduhu al-Qur'an fi kulli sana maratan aw maratayn wa annahu 'aradahu al-an maratayn wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma as-salaf ana laki. Donc il dit, parmi ce qu'il lui a dit, que Jibril venait lui enseigner le Coran chaque année une fois ou deux. Et que cette année, il lui a fait deux fois. Donc je vois que mon terme se rapproche. Donc crains Allah et patiente, car je suis certes un bon prédécesseur pour toi. Fa'innahu ni'ma salaf analaki. Donc là, le mot salaf, il a bien une origine. Pour dire, je suis un bon précédent pour toi dans ce que j'ai fait auparavant, un exemple à suivre. Comme a dit Allah, كذلك, ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. L'imam Al-Qadi Iyaz, رحمه الله تعالى, dans son livre Ikmal Al-Mu'alim, il dit, السلف المتقدم في الشيء أي تقدمني قبلك بالموت. Donc il dit que le salaf paraît celui qui t'a devancé dans une chose, hein, ne serait-ce que par la mort. Donc littéralement parlant, salaf, celui qui était avant toi. L'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans Sharh Muslim, il dit As-salaf est mutakaddim, wa ma'nahu anna mutakaddim kuddamaka fa turaddina alayya. Donc il dit pareillement que le salaf, celui qui t'a devancé. Ça, c'est le sens littéraire. Et l'imam Sam'ani, rahimahullah ta'ala, il dit As-salafi, bifat al-sin, wal-lam, fi akhiriha, wal-fahdi l-isba il salaf, wa-ntahala madhahabahum. Donc il dit, l'imam Sam'ani, que le salafi, c'est celui qui s'est apparenté au salaf et qui suit la madhab, leur voie. Wa qala ibn Athir, rahimahullah ta'ala, وقيل السلف الإنسان من تقدم بالموت من أبائه وذوي كرباته وليذا سمي الصدر الأول من الصحابة والتابعين سلف الصالح. Donc lui là, l'imam Ibn Athir, lui il a lié les deux, le sens littéraire, le sens de terminologie. Il dit que le salaf de la personne, c'est son antécédent, celui qui l'a devancé, parmi ses pères ou ses proches. Et c'est pour cela que les premiers cette communauté, qui sont les Sahaba et les Tabi'in, ont été nommés Salaf Salih, les pieux prédécesseurs. Car un Salaf n'est pas forcément pieux. Là, il faut bien préciser, un Salaf Salih. Par contre, on a des Salafs qui n'étaient pas des gens pieux. Et lorsqu'on dit Salaf Salih, on vise par là qui ? Les Sahaba et les Tabi'in, les Tabu Tabi'in. Et de là aussi, un Tambi, je voulais faire des fois des gens nouveau dans la manhaj, ayant une bonne intention sûrement, mais ne connaissant pas sa terminologie, disent on est des salafs. Au lieu de dire on est des salafis, on est des salafs. Ça c'est une erreur. Lorsqu'on dit salaf, on vise nous par là le sens terminologique, c'est-à-dire les sahaba. D'accord ? Les sahaba et les tabi'in ou tabu tabi'in. Cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, قال فكل من أعرض عن طريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لابد أن يضل ويتناقض ويبقى في جهل مركب أو بسيط. Donc il dit, Cheikh l'Islam, رحمه الله تعالى, que toute personne qui se sera détournée de la voie salafiyya, il a bien dit salafiyya, prophétique, légiférée et divine, il est inévitable pour lui qu'il s'égare ou qu'il se contredise et qu'il reste sur une ignorance préconçu, fabriqué ou simple. C'est quoi l'ignorance djel murakkab ? C'est une personne qui croit savoir alors qu'il ne sait pas. Et cela, c'est la pire des catégories. Et l'autre, el djel basit, celui qui sait qu'il ne sait pas. Et le djel murakkab, c'est un poison. Poison qui a contaminé beaucoup de gens. Aujourd'hui, on les voit s'imaginer connaître des choses alors qu'ils ne connaissent pas. Et se mettre à polémiquer et à débattre pendant des heures et des heures sur des choses qu'ils n'ont pas assimilées. Des choses qui sont bien plus hautes que eux, ou certains frères qui ont peut-être lu une fatwa ou deux, ou peut-être vu un sujet ou deux, et s'imaginent avoir compris les bases, les usouls, les origines de cette chose. Et se mettre à parler pendant des heures. Et croire qu'ils savent. Ou des gens, tu les vois, des fois à la mosquée, ils vont les voir, et comme il est imam de la mosquée, ils s'imaginent qu'il est un savant. Et ça, c'est complètement absurde. Imam de mosquée, c'est une personne qui préside la salat. C'est tout. Ça se trouve, t'es plus savant que lui. Il vient là, il connaît le Coran, et pas forcément par cœur. Et même des fois, il y en a qui savent mal réciter, ils sont imams de mosquée. Et les gens ont pris l'habitude de croire que l'imam, c'est un savant. Donc après la salat, on va voir l'imam poser la question. Mais c'est qui l'imam ? Qui est l'imam ? C'est un homme comme toi. Ça se trouve, tu as plus de fondement, de connaissances, de fondement dans la religion que lui. Un imam n'est pas un savant. Un imam, c'est juste une personne qui est là pour présider la salat. Ce n'est pas un mufti. Ce n'est pas un alim. Des fois, ce n'est même pas un mudarris. Ce n'est même pas un enseignant. Il n'a même pas de cours ni rien du tout. Donc, ah, bien attention. Un imam n'est pas forcément une personne à qui revenir pour les questions. Il faut revenir aux jours de science. Et l'imam peut être un ignorant. Il sait réciter le Coran et peut-être c'est tout. Le reste, il ne connaît pas. Donc, ne pas aller voir le monde des règles. Dans le sujet, surtout comme touchant souvent les questions, c'est divorce, mariage, ce genre de choses. Revenez. Et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et l'imam du masjid n'est pas forcément un homme de science. Dans des pays, tu peux en trouver des imams qui ont de la science. Il y en a. Mais en France, j'en doute. Et certains, peut-être frères, qui ont imam, ont certaines connaissances. Donc là, les interroger sur, en mesure de leur connaissance. Mais pas s'imaginer que l'imam peut tout connaître et aller poser des questions qui sont autres que son niveau. Des frères salafis, sûrement, peut-être qu'ils tiennent des mosquées, je ne sais pas, pour ma part, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Peuvent être habilités à répondre à certaines questions. C'est possible. Mais dès qu'il y a problème, aller voir l'imam, demander à l'imam, cela non. Donc celui-là, et souvent chez eux, tu les vois répondre aux questions sans science. Beaucoup. Sans science. Donc ils égarent les gens. Donc attention au jeune Murakkab. Ne jamais que l'insan se rappelle toujours de qui il est, quel est son statut, quelle est sa place. S'il ne sait pas, qu'il ne s'imagine pas qu'il croit. Ou peut-être qu'il a vu une fatwa, cela ne veut pas dire qu'il connaît le sujet dans son intégralité. D'accord? Des fois, il peut qu'il y ait une divergence et qu'il ait lu la fatwa qui soit la ville le moins correcte. Ou la fatwa, elle est dénuée de dalil. Une fatwa, un shir, une question lui a été posée, et shir, ana ma hukm fi kaza wa kaza, et le shir, yujib, que des fois, le savant, il répond, il ne donne pas de dalil, ça peut arriver, il est pressé. Il dit yajouz, mayajouz, haram, makro, ainsi de suite. Et après, il s'en va. Sans développer la question. Et la personne, elle vient, fait toute une polémique autour d'une fatwa qu'il aurait eue, sans le dalil, et s'imaginant qu'il a cerné le sujet. Donc attention à ça, les jeunes murakkab. Ou d'autres personnes qui se lancent dans des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, croyant savoir, alors qu'ils n'ont pas assimilé la chose. Et le jeune basit, lui, il est meilleur, car lui, il dit tout simplement, je ne sais pas. Il sait qu'il ne sait pas. Donc lui ne se fait pas de mal à lui-même, ni aux autres. Ni il ne fait perdre de temps aux autres à discuter pendant des heures. Non. Donc celui qui ne s'apparente pas à ce menhadj sera forcément amené à tomber dans l'égarement, dans les contradictions et dans l'ignorance, qu'elle soit murakkab, hein, fabriquée, ou alors basit. Non. Toujours chez l'islam, il dit. لعيب على من أظهر مذهب السلف وانتصب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Donc il dit, nul grief sur celui qui laisse apparaître le madhhab des salaf et qui s'y apparente et qui s'y accroche. Voire même, il est obligatoire d'accepter cela de lui avec unanimité. Car la voix des salaf n'est que véridique, n'est que vérité. Fin de ses paroles. وقال السفاريني رحمه الله تعالى المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن السلف دون من رمي بالبدعة وشهر بالقلب باللقب غير المرضي مثل الخوارج والروافد والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. Donc il dit quoi? Ce qui est voulu par le madhhab des salafs, la voie des salafs, c'est ce sur quoi étaient les sahaba, les nobles sahaba, qu'Allah les agrée tous, ainsi que les tabi'in, qui les ont suivis dans la bienfaisance, ainsi que leurs suiveurs, et également les imams de la religion, pour ceux dont l'imama a été reconnu, leur statut d'imama a été reconnu, hein, en religion. Ceux dont les gens ont accepté leurs paroles. Et qu'eux-mêmes ont pris des salafs. Sans qu'ils aient pour autant été qualifiés d'innovateurs. Ou qui ont été apparentés à des surnoms peu agréés. Comme les Khawarij, par exemple. Un Khawariji. Ou un Rawafid, comme un Rafidi. Ou un Qadariya, comme un Qadari. Et un Murji'a, comme un Murji. Ainsi de suite. Donc, cela, on comprend de l'imam Safarini. Que même des savants qui ont été des contemporains de cette époque, mais qui sont décédés et qui ont été souvent là, sunnah, peuvent être pris comme étant des salafs. Donc ça, c'est une autre définition de salaf. Également. Il y en a qui voient, qui la mettent, on va dire l'essence même du salaf, c'est les sahaba, et c'est-à-dire les trois premières générations. Et également, on peut être plus large en disant que toute personne, parmi les gens qui ont été des références dans la religion, même qui ont vécu à notre époque, mais qui sont morts, pas vivants, qui sont morts, d'accord, et qui ont été reconnus pour avoir été des imams dans la religion, des références, des gens de science reconnus, dont les paroles ont accepté, peuvent être pris comme des salafs. À l'exemple de qui? L'imam Wadi'i, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mokbil, Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Al-Albani, l'imam Sa'adi, l'imam Mohamed Ibn Ibrahim Al-Sheikh, ainsi de suite. Tout cela, même Amin Jami, même Albani, tous ces gens-là, hein, rahmatullah alayhim, l'imam Najdi, l'imam Najmi également, tous ces gens-là, on peut en citer beaucoup, Même l'imam Cheikh Ibn Taymiyyah, lui-même, et son élève Ibn Qayyim, tous ces gens-là sont des salafs. Suivant la définition de l'imam As-Safarini. On peut dire que ce sont des salafs. Naam. Et quand l'alama Mohamed Amanjami, rahmatullah alayhi, il dit lui, lorsqu'on parle des salafs, il veut dire ceux qui, eux, ont été des contemporains avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont pris de lui. La science. Donc lui vise les sahaba. Mubasharatan, directement. Et également, rendre cette terminologie les tabi'un. Ceux qui ont hérité de leur science. Ceux qui ont été considérés par le hadith, khayr al-nas qarni thumma allazina yulunahum thumma allazina yulunahum. Que le meilleur des gens sont mon siècle, ensuite ceux d'après, ensuite ceux d'après. Naam. Et également, cela concerne les tabi'in, c'est-à-dire les suiveurs des suiveurs, c'est-à-dire les trois générations. Donc lui, il voit le sens d'origine. Les salafs sont les trois premiers siècles. Mais d'autres savants voient que cela peut être plus large. Bien que la base sur laquelle il y a unanimité, c'est que les salafs à la base, lorsqu'on dit salaf, au sens propre du terme, on veut dire par là les compagnons. Et les tabi'un, ou tabu tabi'un. Les trois premiers siècles. وسئلت اللجنة الدائمة ما هي السلفية وما رأيكم فيها فأجابت السلفية نسبة إلى السلف والسلف هم الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى يسيتيان المهم حديث également الحديث متفق عليه ou plutôt le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et ils disent والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وقد تكذب معناه وهم الذين ساروا على منهج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. Donc ils disent bien l'Ijna Daima sous la présidence de l'imam Ibn Baz رحمة الله عليه, que la salafia, c'est une apparente affiliation aux salaf. Les salaf sont les sahaba. D'accord ? Ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de leur bien, de leur guider. Et également, les trois premiers siècles. C'est pas dans ce sens-là sur les hadiths, comme nous avons dit assez tôt auparavant. Et après, ils disent, les salafiyoun, c'est le pluriel de salafi, affilié aux salaf. Qui sont ceux qui marchent sur la voie des salaf dans le suivi du livre de la sunna, et dans l'appel, le fait d'y appeler, et dans les œuvres, le fait d'agir. Et ils sont également appelés El Sunnati wal Jama'a. Donc regardez bien comment l'Ijna Daima définit bien les salafiyoun, sont ceux qui s'apparentent aux salaf et qui comprennent le livre de la sunna comme eux l'ont compris et qui œuvrent comme eux. Et de là ont été définis également comme étant El Sunnati wal Jama'a. Donc attention, le salafisme n'est pas forcément, comme on le dit souvent, on le répète sans cesse, n'est pas seulement une qualification verbale de dire je suis salafi. Non, c'est que tu œuvres comme eux, que tu as compris comme eux, que tu suis leur voix et tu t'apparentes à eux. A savoir qu'à la base, un pur salafi, il faut de l'Illah, ça se voit très vite. Même sans qu'ils le disent, car pas besoin de crier à tout va, je suis salafi. Pas la peine de crier à tout va. C'est cela qui amène au côté sectaire. Quand tu parles, quand tu t'habilles, quand tu fais ta salat, quand tu fais l'odo, quand tu fais da'wa, quand tu fais ce que tu as à faire, le salafi, ça se voit. Directement. Ça se voit. Cela apparaît sur lui. Cependant, pas de mal à tester la personne pour savoir si vraiment c'est une salafi. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très proches de la salafia dans beaucoup de choses en apparence. Et en fait, tu vois qu'il y a un khalel dans son manhaj. Et à un moment, il y a un truc qui ne va pas. À un moment, ça va apparaître. D'accord ? Donc, il n'est pas mieux de tester. Des gens veulent dire qu'on ne peut pas tester. Ça, c'est pas vrai. On peut tester. On peut tester la personne pour savoir à qui on a affaire. Et la preuve primordiale de cela, c'est le hadith de la Jahiliya, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit : qui suis-je ? Elle dit, tu es le message d'Allah. Et il dit, oui, Allah, elle dit, puis sa main. Il l'a testé pour savoir qui elle était. Et les salafs testaient les gens pour savoir à qui ils avaient affaire. Pas en interrogeant par rapport à des noms. Si tu vois quelqu'un qui parle sur le même Ahmed, c'est qu'il est comme ci ou comme ci ou comme cela. Si tu vois quelqu'un qui parle sur l'imam Intel, c'est qu'il est comme ci ou comme ci ou comme cela. Ils testaient les gens en voyant quelle était leur position par rapport aux imams de la salafia. Cela t'apparaît. Aujourd'hui, pareil. Tu vas donner des noms de gens de la sunna, tu verras comment les gens vont réagir. Tu sauras à qui tu as affaire. Et plus tu t'éloignes, car des gens vont reconnaître des imams de la sunna parmi les premiers, ils ne vont pas reconnaître des contemporains. Ils vont reconnaître l'imam Bukhari, l'imam Ahmed, hein, l'imam Malik, et ainsi de suite, et vont faire de la diffamation envers l'imam Al-Bani, alhamdoulilah ta'ala. Sinon, ce n'est pas un salafi. Il n'y a pas photo. Ce n'est pas un salafi. Ils vont critiquer l'imam Aman Jami. Cela, ce n'est pas des salafis. Ils vont critiquer qui ? Cheikh Ben Baz. Ou d'autres vont faire l'éloge de Cheikh Ben Baz et critiquer d'autres comme Cheikh Mokbil, par exemple. Lui, ce n'est pas un salafi pareil. C'est où tu les aimes tous ou tu ne les aimes pas. Quand ils étaient tous sur la même voie. Et tu peux tester avec les vivants. Et aujourd'hui, alors qu'il est une personne qui était une référence pour nous et qui ne l'est plus, c'est Rabi Al-Matrali. Il n'y a pas photo. Avant, pour nous, c'était une référence. Un imam dans la salafia. Seulement, cette fitna nous a fait apparaître qui il était réellement. Aujourd'hui, quelqu'un qui parle mal sur lui, on verra pourquoi il parle mal sur lui. Car ce n'est pas tout mal qui a été dit sur cet homme-là qui est vrai. Des choses ont été dites sur lui injustement, mensongèrement. Là-dessus, il n'y a pas photo. Mais d'autres sont réelles. Et cette fitna a été un point essentiel pour le dévoiler. Et également, les choubouettes d'Irja qu'il a actuellement. Et des redoutes ont été faits. Et qu'il n'y a pas lieu de le défendre. Il n'est pas permis de le défendre car les paroles qu'il dit sont clairement définies comme étant des paroles fausses s'opposant au Kitab wa Sunna. Et des savants ont été interrogés sur ces paroles-là ou l'ont qualifié de la sorte. Par exemple, avant, on aurait pu prendre quelqu'un comme Cheikh Rabir et dire que pensait de lui il y a quelques années. On aurait vu à qui on a affaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une référence pour nous. Bila Shek. On a d'autres personnes. Et aujourd'hui, parmi les gens le point le plus sensible à évoquer, sont qui ? L'auteur du livre que nous étudions actuellement, Cheikh Yahya Al-Hadjioli. Il n'est pas marsoum, il n'est pas infaillible, mais aujourd'hui, une référence de la salafia est extrêmement éprouvée. Et là, on voit à qui on a affaire. Parle de lui, demande que penses-tu de Cheikh Yahya ou de Demej, et tu verras qui t'as affaire. Soit tu auras affaire à un ignorant qu'il ne connaît pas, qui s'est fait avoir. Faut te faire un maftoun hisbi. L'un ou l'autre. Non. Car des gens aujourd'hui vont te dire, moi, Chamoubil, je le reconnais. Mais le Hadjouli, je ne le reconnais pas. Lui, c'est un menteur, c'est un kadhab. C'est lui qui fait ça. C'est un kadhab. Car Chayaha est entièrement sur la même voie que Chamoubil, qui était entièrement sur la même voie que les autres imams, qui eux-mêmes étaient entièrement sur la même voie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des erreurs ont été commises, sûrement. Mais la voie, de façon générale, suivie, était la voie de Salaf Saleh. Non. Également, des gens essaient de faire croire que des gens comme Cheikh Al-Thaymin ou Cheikh Al-Fawzan voient qu'il ne faut pas s'appeler Salafi. Cheikh Al-Fawzan, lui, est interrogé. On a mis des fatwas sur le site. Il voit que la Salafia, c'est une chose qui existe, réelle. Et ce n'est pas un hizb parmi les Ahzab. Et Cheikh Al-Thaymin, Kazalik, il a décrit la Salafia dans son livre. Je crois que là, également l'article a été traduit sur le site dans son livre Sharh al-Aqida al-Wasatiyya. Il dit quoi? Je relis la traduction que j'ai faite déjà, où il dit, après avoir le shir, après qu'il ait cité certaines sectes opposant sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le sahaba dans les attributs d'Allah et leur réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pour cela que celui qui dit s'est certes trompé. Les gens de la sunna sont trois. Celui qui dit cette parole-là, il a tort. Qu'est-ce qu'il dit? Les gens de la sunna sont les salafis, et les ash'ari et les maturidi. Le shir dit que cela est une erreur. Et nous disons, comment pourraient-ils être tous les gens de la sunna alors qu'ils sont en désaccord? Et qui a-t-il donc après la vérité, ce n'est l'égarement? Wa madha ba'da al-haq ila dalal. Comment pourraient-ils tous être des gens de la sunna alors qu'ils se réfutent les uns les autres? Cela est-il possible? Nullement. Hormis en raccordant deux opposés. Alors oui, car en cas contraire, pas de doute que l'un d'entre eux seuls est adepte de la sunna. Mais qui est-il? Al-Ash'ariya, ou Ma'atulidiya, ou Salafiya. Nous disons que celui qui s'accorde à la sunna s'y voit affilié. Quant à celui qui s'y oppose, il n'en fait pas partie. Alors nous disons que les salafs sont les gens de la sunna. Il n'est donc pas envisageable d'attribuer cette qualification à autre que eux, aucunement. Les mots sont considérés selon leur sens. Comment pouvons-nous désigner celui qui s'oppose à la sunna comme étant aux gens de la sunna? Chose invraisemblable. Et comment pouvons-nous dire de ces trois groupes dissemblables qui sont unis, où est l'union? Les gens de la sunna sont les salafs par leur croyance. De même que les contemporains, et ce jusqu'à ce jour, ou plutôt, et ce jusqu'au jour du jugement. Ils sont sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Alors celui-là est salafi. Regardez comme il dit bien, celui-là est salafi. Donc le terme salafi, il le reconnaît. Et la salafi, elle est reconnue. D'ailleurs, les Ash'ariyya sont affiliés à un homme. Et les Matoulidiyya également. Les salafiyya ne sont pas attribués à un homme. Ils sont attribués à un manhaj, à une voix, à un groupe de gens qui, eux, sont qui les premiers, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en fait partie. Comme lui-même l'a dit, ni'ma salaf analaki. Donc les salafis ne sont pas un groupe à part égaré. Et comme des savants l'ont dit, comme cette communauté va se diviser en 73 sectes, et que toutes sont au feu sauf une, dans le hadith, ma'ana Ali wa ashabi, c'est sur quoi je suis moi et mes compagnons, ceux-là, al-ta'ifa al-najiya, al-mansoura, c'est eux. On les appelle al-hadith, on l'appelle al-sunna wal-jama'a. D'accord ? On les appelle également al-salafiyoun. Toutes ces appellations nous reviennent à une seule même chose. Al-salafiyoun. Donc si on te demande, tu peux dire je suis salafi. Et tu peux le dire fièrement. Mais sois-le. Ce n'est pas seulement sois-le au bout de la langue. Sois-le réellement dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actes. Sois-le réellement. Un sunni salafi. Et fier de l'être. Naam. Et apprends-le à tes enfants à le dire. Pas de honte à le dire. Cependant, ne pas exagérer non plus. Comme certains font, tout le temps attribuer ce mot à des gens. Foulaine salafi. Foulaine salafi. Bientôt, ça devient une marque. Une enseigne de marque. On va dire un stylo salafi. On va dire un téléphone salafi. On va dire une armoire salafi. On va dire une maktaba salafia. Bon, ça encore, on peut le dire. Et je ne sais pas quoi. Également, une association salafia, ça n'existe pas. Une jamaïa salafia, ça n'existe pas. Donc quand des gens vous disent c'est une association qui est salafia, ce n'est pas vrai. Car la jamaïa, ça n'existait pas à l'époque des salafs, alors qu'ils auraient pu le faire. Ça, c'est une chose nouvelle, c'est une bid'a. Donc attention à l'affiliation salafie, ne pas l'attribuer à toute chose et à toute personne. La salafia se verra, comme nous l'avons dit, à travers les paroles, à travers les actes. Et ce qu'il y a dans le cœur, c'est Allah seul qui le sait. Mais ce qui est dans le cœur se retransmet à travers les actes. Allah fil jasad mudratan izi salahat. Il y a un bout de chair dans le corps. Si jamais il est, se voit vertueux, tout le corps le sera. S'il est corrompu, tout le corps le sera. Il s'agit bien du cœur. Naam. Donc de là, les gens qui se disent salafi dans leur croyance, mais qui ne veulent pas s'y attribuer, Chien Nejmi fut interrogé là-dessus. Il dit, celui qui dit qu'il ne faut pas dire salafi, c'est qu'il ne l'est pas. C'est tout. Celui qui dit qu'il ne faut pas se dire salafi, c'est qu'il ne l'est pas. Naam. Et également, Cheikh Mangoui, rahmallahu ta'ala, auparavant, était de cet avis qu'il ne fallait pas s'affilier à la salafia. Et par la suite, il fut un tarajour. Il est revenu cette parole et disait lui-même qu'avant, je voyais qu'il ne fallait pas s'affilier à un groupe comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, je vois le contraire. Et il dit qu'il faut se dire salafi, il est connu pour cela. D'accord ? Il est connu pour cela. نعم فبهذا القدر نكتفي نقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك